Au Venezuela a eu lieu le 22 juin un meeting de solidarité avec le peuple coréen à l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, en présence des personnalités du gouvernement et du conseil provincial de Yaracuy, du Parti uni de la gauche, des organisations syndicales et sociales et d'autres habitants. Y ont été invités l'ambassadeur coréen dans ce pays et ses collaborateurs. À l'issue du rassemblement, les participants ont vu des documentaires coréens comme « Qui a tracé la ligne de démarcation du 38e parallèle ?»